Quand on se sent en train de mourir, seul, au fond de l'Afrique, à quelle pensée peut-on se raccrocher? Qu'est-ce qui pourrait vous donner la force de survivre? À l'époque, l'Afrique est encore inexplorée pour sa plus grande part. Les Européens vivent en brousse, isolés, dans des postes qui sont à plusieurs jours de marche les uns des autres. C'est le cas de Michel Briot, qui vit seul, en plein cœur du Mali. À l'époque, ce n'est encore que la République soudanaise. Michel vit dans une maison de pisé avec pour seule compagnie son boy, Ogeto, tout à la fois cuisinier, infirmier, secrétaire, femme de ménage et blanchisseur. Michel s'émerveille tous les matins de la nature qui l'entoure. Le fleuve tranquille, les baobabs géants, dont les gros fruits sont inutiles sauf aux singes, les levées et les couchers de soleil. Ogeto, je ne me sens pas en train ce matin. J'ai l'impression que j'ai un peu de fièvre. Pas l'impression que je vais faire grand-chose aujourd'hui. Michel Briot ne se pose pas trop de questions, rien de grave dans 2 jours. Il n'y paraîtra plus. Il se jette sur son hamac, sous les moustiquaires. Pour le coup, il aimerait bien avoir un peu de compagnie européenne, ne serait-ce que pour pouvoir se rassurer. Bon, peut-être qu'Anselmo va passer cette semaine. Anselmo, c'est un jeune Italien, très jeune, même pas 20 ans. Dieu sait pourquoi il vient se perdre au milieu de ce bout du monde. Anselmo fait le commerce des noix de palme, et Anselmo a installé un petit entrepôt dans le village. Quand l'entrepôt est plein de noix, il organise un transport par pirogue sur le fleuve, jusqu'à Monti, la ville la plus proche. C'est la seule compagnie européenne de Michel. Et quand Anselmo s'en va avec son chargement, eh bien Michel se sent seul. Michel va chaque jour un peu plus mal. C'est une lettre de Bamako qui met le comble à son angoisse. Une épidémie de grippe espagnole s'étend sur tout le pays. Prenez un maximum de précautions. En cas d'épidémie constatée dans votre canton, voici les mesures d'urgence à prendre. Mesures d'urgence, c'est vite dit. Encore faudrait-il avoir une quantité de médicaments suffisants. Encore faudrait-il convaincre les villageois de s'adresser aux médecins plutôt que de suivre les conseils des sorciers. Ici, on s'adresse aux esprits des arbres. Dans les jours qui suivent, la grippe frappe durement le village. Michel, lui aussi, se sent atteint. Il est dans l'impossibilité d'assurer même un semblant d'antenne sanitaire. Le pauvre Ogeto, le boy infirmier, fait ce qu'il peut. Il distribue tous les médicaments dont il peut disposer aux indigènes qui viennent demander du secours. Mais il ne peut s'empêcher d'annoncer de mauvaises nouvelles. Ce matin, patron, il y a encore 10 morts au village. Hier, un courrier a annoncé la visite du docteur Mariano, mais on ne précise pas la date exacte. Espérons que je serai encore en vie. Oh, faut pas parler comme ça, patron. Tu es fort, tu vas résister. Oh, j'ai mal à la tête. Jamais j'ai senti une telle douleur. Il ne reste plus qu'à attendre, trempé de sueur sur la couchette, avec Ogeto qui fait tout ce qu'il peut, préparant des soupes mystérieuses à base de baies ou des ragoûts de bulim, des escargots géants. Tiens, patron, mange. Ce matin, j'ai fait une offrande aux ancêtres pour qu'ils te gardent en vie. Merci, Ogeto, tu es bien brave. Mais si je pouvais avoir un peu d'antibiotiques, ça aiderait certainement les ancêtres. J'ai des accès de fièvre. Ma sueur est brûlante. C'est peut-être mieux que la sueur quand elle est froide, patron. À présent, Michel n'a plus la force de s'intéresser à la vie du village. Quand Ogeto vient lui annoncer que 3 des gardes du poste sont morts, Michel pousse simplement un long soupir. Pourtant, c'était Drude Gaillard. S'ils n'ont pas pu résister, il me reste bien peu de chance. Les nuits sont longues, coupées de cauchemars, au cours desquels Michel se voit confronté à tous les dieux de l'Afrique. Des personnages aux masques grimaçants dansent la sarabande, des têtes de crocodiles, de serpents, impassibles et menaçants l'entourent pour lui annoncer que bientôt, il aura rejoint le royaume des ancêtres. Au matin, Michel broie du noir. Alors je suis venu si loin de ma Charente pour finir ici, à moins de 40 ans, pleine brousse. Mais qui sait ? Je vais peut-être rejoindre les ancêtres ? Je vais peut-être me réincarner dans un baobab ? Les gens du village viendront peut-être m'offrir des chèvres, des galettes de millet ? Ogeto redouble d'attention envers le patron. Il s'affaire, éponge la sueur, change les vêtements trempés de transpiration. Il convoque même le sorcier du village qui vient, le corps chargé d'amulettes, et secoue au-dessus de Michel des calebasses remplies de Dieu sait quoi. Puis le sorcier s'en va. Impossible de savoir s'il est satisfait de son intervention ou s'il abandonne Michel à la mort. Un matin pourtant, Michel, presque comateux, sent une main qui lui touche le front. Il ne reconnaît pas la peau rugueuse d'Ogeto. Quand il ouvre les yeux, il aperçoit à travers une sorte de voile violet le visage d'Anselmo, le jeune Italien, marchand de noix de palme. « Ah, vous êtes là, Anselmo. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais je ne pense pas que vous puissiez faire grand-chose pour moi. La grippe espagnole m'a rattrapé, c'est trop tard, je sens que je pars. » Ne restez pas trop longtemps dans le quartier, c'est très malsain. Si vous aussi, vous tombiez malade, ni moi, ni Ogeto, nous ne pourrions rien faire pour vous. Anselmo fait signe qu'il a compris. Il veut être encourageant. Vous allez vous en sortir, monsieur Brio. Vous avez tenu jusque-là, ça prouve que vous avez une robuste constitution. Ce n'est qu'une affaire de quelques jours. Non, non, Anselmo. Je sens que c'est la fin. J'ai l'intuition que je vais mourir cette nuit. Ah, c'est moche, vous savez, Anselmo. J'ai l'impression que, si je pouvais seulement voir le jour se lever demain matin, je m'en sortirais. Mais je n'irai pas jusque-là. Je suis vraiment au bout du rouleau. Anselmo dit, « Je reviendrai vous voir demain matin, je vous le promets, et vous repartirez du bon pied. » Anselmo serre la main brûlante de Michel Brio et quitte la case. Michel sent qu'il perd connaissance. Oh, à présent, il a l'habitude. C'est pas si désagréable, au fond. C'est comme si on s'endormait. Et quand il se réveillera... Mais Michel sent qu'il ne se réveillera pas. Cette fois-ci, les masques des dieux de la brousse vont le garder avec eux à jamais. Pourtant, Michel, au bout de combien d'heures, reprend connaissance. Il est tellement épuisé qu'il ne peut pas ouvrir les yeux. Ou alors, s'il les ouvre, il ne voit rien, la nuit complète. Est-ce que je suis aveugle ? Il appelle bien Ogeto, mais il n'a pas la force d'ouvrir la bouche. Et puis, ce pauvre Ogeto doit dormir un peu. À quoi bon le réveiller ? Et pour lui demander quoi ? Michel n'est plus qu'un demi-cadavre qui n'a plus la force de remuer ni bras, ni jambes. Les minutes passent. Les minutes ou bien les heures. Oh, après tout, quelle importance. Soudain, Michel entend un bruit familier. Oh, il n'y prête pas grande attention. Ce bruit, c'est un bruit d'ailes. Michel se dit, tiens, ça s'agite du côté du poulailler. Ah, évidemment, les poules ne vont pas prendre mon deuil. Soudain, un bruit claironnant lui troue les tympans. Mais c'est Trompette qui se met en branle. Trompette, c'est le coq du village. Grippe espagnole ou pas, Trompette ne manque pas à sa mission. Réveiller les poules pour qu'elles pondent et réveiller le village pour que personne ne soit en retard dans la quête de nourriture. Michel entend à présent un nouveau bruit familier. Tiens, la chaîne du puits. Ils sont déjà en train de tirer de l'eau. Ça fait longtemps que je me disais qu'il faudrait mettre un peu d'huile dans la poulie. Ben, c'est trop tard. C'est mon successeur qui devra graisser la poulie. Soudain, le clairon qui réveille les gardes du poste se met à résonner. Ce matin, le clairon n'est pas très en forme. Il fait plusieurs couacs un peu bizarres. Michel, qui a l'oreille musicale, fait la grimace, mais il comprend que le jour se lève. Mais alors j'ai tenu bon. J'ai passé la nuit sans mourir. Maintenant, il faut que je m'accroche. J'ai dit à Anselmo que je survivrais si j'arrivais jusqu'au jour levant. Ogeto l'a entendu. Bon, les dieux de la brousse ne m'ont pas emporté. C'est le signe qu'ils me donnent une nouvelle chance. Ogetto entre dans la case en essayant de ne pas faire de bruit. Il s'approche de la moustiquaire de Michel, la soulève. Il écoute la respiration du patron et il se décide à parler. Patron, il y a un problème. Michel, d'une voix faible, dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Anselmo, le buona italien, il est devenu fou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Au milieu de la nuit, je le vois qui entre dans le poulailler. Je croyais qu'il voulait voler des poules, mais il a chassé les poules du poulailler dans l'enclos. Tiens, c'est bizarre. Peut-être que lui aussi a attrapé la fièvre. Et après, je le vois qui s'approche du puits et se met à tirer sur la chaîne. Il avait sans doute besoin d'eau fraîche, s'il se sent fiévreux. Mais ce n'est pas tout, patron. Je le vois qui attrape le clairon qui est accroché devant le poste et le voilà qui se met à souffler dedans. Vous l'avez entendu, patron? Non, c'est le mot, il est devenu fou. Je voulais l'empêcher de vous déranger comme ça, mais l'Italien, il m'a enfermé dans ma case. J'ai dû appeler le garde de la corvée d'eau pour qu'il vienne ouvrir la porte. À ce moment-là, l'Italien était parti. Il a quitté le village. Oh, il est certainement loin alors qu'il est. C'est alors que Michel Brio comprend. Il avait dit à Anselmo qu'il survivrait s'il parvenait à l'aurore nouvelle. Anselmo, plus fort que les dieux de la brousse, lui a fait croire en pleine nuit que le jour se levait. Michel, grâce à lui, va survivre. Mais hélas, quelques semaines plus tard, il apprendra la triste nouvelle. Anselmo, le gentil Italien, vient de succomber à son tour de la grippe espagnole. Les dieux, rendus furieux de voir Michel Brio leur échapper, ont pris sa vie en échange.